Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger. Rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio du Béton, les ondes du 93.6. Pas d'émission la semaine dernière, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un dimanche sans nos douces voix sur les ondes du 93.6. Pour rappel, hein, en cause des émissions live qui ont été enregistrées depuis la guinguette de Tours. Donc logiquement notre créneau a sauté, mais nous sommes de retour pour une nouvelle émission avec un gros renouvellement, pas moins de 13 nouveautés pour l'émission d'aujourd'hui. Spé française bien chargée, Primal Age, Gorgon, Nefrenka, à l'international, les Locomotives, Pestilence, Halloween, les newcomers tels que Blazon Wright et Lucifer's Hammer. Voilà, parmi l'ensemble des autres nouveautés. A noter que l'aspect française, comme je disais, plutôt généreuse, hein, 8 groupes, 30 minutes, plutôt expéditif, bien calibré, bien brutal, hein, typé Black Death et autres hardcore. Voilà, donc bienvenue dans cette nouvelle émission qu'on va entamer tout de suite en musique, avec tout d'abord une nouveauté. Pestilence, la formation de Death Technical Death qui nous vient de Hollande. On pourrait appeler ça... Patrick Mameli Pestilence, puisque bah, c'est le dernier membre d'origine, hein, bien sûr, guitariste-vocaliste depuis le début du groupe. Gros renouvellement de line-up, comme bien souvent avec ce type de formation. On peut noter que l'ex-bassiste de Deucented a intégré le groupe en 2019, ainsi qu'un ex-batteur de Prostitute Disfigurement et God Dethrone, voilà, pareil, arrivé en 2019-2020. Qu'est-ce qu'on peut dire musicalement sur ce Pestilence version 2021? C'est cool, c'est pas ouf, cependant, ça tourne un peu en rond. Dans la continuité du précédent album, sorti en 2018, Aeon. Voilà, bon, Pestilence, ça reste culte, peut-être... un petit peu décevant, cependant, ce nouvel effort studio, une sortie Agonia Records prévue le 25 juin, et en doublette avec Pestilence, la formation de Nuclear Black venue de Finlande, Impaled Nazaren, Eight-Headed Serpent, une sortie sur label français Osmos Production, Pestilence, Morbus Progregationen, Impaled Nazaren, Unholy Necromancy, c'est parti et bienvenue dans l'émission. Seconde doublette que l'on ouvre encore avec une nouveauté allemande, Halloween, le groupe de Heavy Power qui sort son nouvel effort studio. Album éponyme pour Halloween, donc toujours chez Nuclear Blast. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années chez Halloween? Et ben, c'est clairement la foire, non pas à la saucisse, mais au vocaliste. Puisque, tout simplement, le groupe a réintégré ses deux anciens vocalistes, à savoir Kay Hansen, qui a repris au passage son rôle de guitariste-chanteur, tout comme en 1985, à l'époque de leur tout premier album, Walls of Jericho, ainsi que Michael Kiske, voilà, qui donc, voilà, ils tiennent tous le crachoir avec le troisième et dernier arrivé, Andy Deris, qui voit les deux ex-vocalistes revenir à ses côtés. 16e album studio du groupe, le précédent remonte à 2015, My God Given Right. Qu'est-ce qu'on peut dire musicalement sur ce nouvel effort studio de Halloween? 12 titres, un peu plus d'une heure de musique au total. Étrangement, c'est le titre de clôture de l'album qui a été diffusé en premier. Un morceau qui fait 7 minutes sur 12 en total sur la version album. On est toujours sur un heavy power, un peu speedouille par moment. Les trois vocalistes se répartissent plutôt bien le chant, ainsi que les harmonies vocales. C'est pas mauvais, y a rien de neuf. En même temps, c'est ce qu'on attend un peu, je dirais, d'un album d'Halloween qui n'a absolument plus rien à prouver ou à renouveler dans le genre. Par voilà, cette particularité d'avoir 7 Zikos sur scène, dont 3 qui tiennent le micro. Voilà donc pour les nouvelles présentations concernant Halloween, extrait de leur nouvel effort studio éponyme déjà dispo chez Nuclear Blast. Et dans la foulée, les ricains de Flotsam Jetsam, Blood in the Water, une sortie FM Records. Halloween, le titre Skyfall, Flotsam Jetsam, le titre The Walls. Et c'est parti.

Avec un tel renouvellement de playlist à chaque doublette, sa nouveauté. Retour en Allemagne avec les vétérans de Disaster. Bon, pour le coup, c'est pas une nouveauté, ce qu'on vous a diffusé il y a 2 semaines. Churches Without Sense, très bon nouvel effort studio des vétérans du Trash Death, Trash Black venu d'Allemagne, une sortie Metal Blade Records. Et la nouveauté de cette doublette, c'est tout simplement Cerebral Rot. Une sortie du label 20 Buckspin Records, excellente boîte pour dénicher des pépites. Après Ghastly, qu'on vous a diffusé tout récemment, Cerebral Rot nous sort un death metal bien bien bien dégoulinant, bien dégueulasse, bien putride, du caveman death metal, dans la pure lignée des Undergang, Fetid et particulièrement les patrons d'Autopsy. Voilà, un groupe américain qui a vu le jour en 2016, ils sortent là leur second album studio, 7 titres pour 50 minutes, autant vous dire que du coup, c'est des tempos plutôt légers, hein, d'alternance entre des rouleaux compresseurs et des passages vraiment doumisants qui finissent de vous pétrir la gueule, et une voix qui vomit tout ce qu'elle peut au micro. Voilà, donc les présentations sont faites avec Cerebral Rot. Doublette bien puissante, donc Disaster, Falling Trinity, extrait de leur nouvel effort studio. Cerebral Rot, Bowels of Decapitude, extrait de leur second effort studio, Excretion of Mortality. Une sortie prévue le 25 juin chez 20 Buckspin Records. Selection, family, not a section.

On change pas une équipe qui gagne, les vétérans ricains de Cerise and Gaul, le groupe de Heavy Epic Doom qui nous sort son nouvel EP, Half Past Human, une sortie déjà dispo chez Metal Blade Records. Ils sont là en doublette avec Bosk, une autre nouveauté. Bosk, c'est Crado, Bosk. Il me semblait avoir la présentation quelque part, j'ai dû la rater. À moins que Bosk ne soit pas une nouveauté. J'avoue que j'ai un petit peu un trou de mémoire avec une semaine sans émission. Bosk, ouais, c'est du Sludge Atmo qui nous vient d'Angleterre. Le groupe s'est reformé en 2012. Alors si, j'ai dû avoir mes petites notes quelque part. J'ai dû faire sauter la ligne. Bon, c'est pas grave. Bosk, voilà, les présentations sont faites. Ça vient d'Angleterre. C'est dégueulasse, c'est dégoulinant. C'est à moitié Atmo. Et ils sont en doublette avec Cerise and Gaul, British Manchild pour les ricains, Menhir pour les anglais de Bosk, une sortie Deathwish Records. C'est parti. We'll be right back. Voilà, même si on est sur des émissions pré-enregistrées, on fait vraiment en sorte de garder toute la magie du live. Je me suis juste embrouillé effectivement dans mes petites notes que me prépare pourtant religieusement l'ami Sylvain. Bosque, voilà, vous avez forcément reconnu la voix de Johannes Persson, vocaliste de Cult of Luna, qui apparaît en guest sur le titre qu'on vient de s'écouter. Comme je disais, hein, la formation anglaise, du coup Sludge Atmo, post-hardcore. Forcément de grosses influences Cult of Luna, la boucle est donc bouclée. Actif début des années 2000, avant de revenir en 2012 suite à un split. Et là voilà, leur second album studio sort chez Deathwish Records. Voilà, donc pour remettre les pendules à l'heure au niveau de la présentation de Bosque. On attaque tout de suite maintenant l'aspect française, avec tout d'abord le black metal extraordinaire. De sortie d'une de sordide pardon une sortie les acteurs de l'ombre là quand on compresse un peu trop les phrases les idées blanches nouvel effort studio de sordide dans la foulée les vétérans du hardcore hardcore strategy primal age le groupe actif depuis 1997 sort son nouvel effort studio quelques années qu'il n'avait encore qu'il n'avait pas sorti d'album un EP il y a 3-4 ans voilà Primal Age en doublette avec Sordid, Primal Age nouveauté, l'album vient tout juste de sortir, il s'intitule Masked Enemy. Sordid, ruine future dans la foulée Primal Age, The Devil is Hidden in Shadow, c'est parti. We'll be right back. Une nouveauté de plus dans l'aspect française, Nefrenka, rappelez-vous de cette excellente formation de death metal qui nous vient de Clermont-Ferrand. 4 ans après la Grande Guerre de l'Épice, bien sûr inspirée par l'univers de Dune, ils nous sortent un nouvel effort studio, un brutal death français bien efficace avec un batteur qui déboîte comme il faut et un nouveau vocaliste arrivé en 2019. Les textes alternent en français et en anglais. Et également, oui, un nouveau bassiste, pardon, j'ai oublié, avec le nouveau vocaliste, et voilà, le batteur est toujours en place, et toujours aussi mortellement efficace. Petite anecdote, le groupe se fait vraiment plaisir, puisque sur la version digitale de l'album, vous avez une cover de Pantera, le titre Strength Beyond Strength, et sur la version CD, c'est une cover de Massacra, le morceau Gods of Hate, voilà. Les gars se font plaisir et bien évidemment nous font plaisir. En doublette avec Nefrenka, Ezok Trillium, ce groupe qu'on vous a diffusé il y a encore 2 semaines, enfin un groupe One Man Band français hyper productif. On est sur un Black Death vachement riche et bien perché, bien inspiré. 6e album en 5 ans d'existence. Voilà le précédent, l'année dernière on vous l'avait bien évidemment diffusé. Voilà, nouvelle doublette dans l'aspect française, Nefrenka, le morceau L'Abomination, extrait de l'album From Agony to Transcendence. Toujours une très bonne sortie sur le label presque local Dolorem Records, avant-première prévue le 25 juin. Ezok Trillium, le titre Eginbold, extrait de leur nouvelle de son nouvel album, Dietrich Riem, For the Serpent Telepath, une sortie Voidanger Records. Et on envoie la musique.